Ce soir, en levant aux enchères, mon corps entier est mis à prix. Ce soir, en levant aux enchères, mon corps entier est mis à prix. Et pour les grands et les petits, l'entrée est libre jusqu'à minuit. Mais ma tête ne vaut rien sur les marchés des beaux quartiers. Trop d'idées qui sentent le vaurien, décidément trop compliqué. Dans quel rayon, quel magasin, mon cerveau sera bien dans sa peau. Pour que ma tête soit satisfaite, je vous préviens, y'a du boulot. Dans quel rayon, quel magasin, mon cerveau sera bien dans sa peau. Pour que ma tête soit satisfaite, je vous préviens, y'a du boulot. Ce soir, grande vente aux enchères, mon corps entier est mis à prix. Ce soir, grande vente aux enchères, mon corps entier est mis à prix. Et pour les femmes et les amis, venez vous servir, c'est gratuit. Mais mes bras ne valent pas grand chose à la bourse du travail bien fait. Ou alors, à toute petite dose, je ne suis moi-même pas satisfait. Je cède les deux à moitié prix, et je rajoute les mains aussi. Mais pour leur trouver un emploi, je vous préviens, c'est un combat. Je cède les deux à moitié prix, et je rajoute les mains aussi. Mais pour leur trouver un emploi, je vous préviens, c'est un combat.